96.2. La FM en couleur. Papa Noël. tous sur le 96.2. Si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 20h pour votre émission de Oh là là, ben je suis plus nerveuse. Bravo. Gros tropical. 18h, 20h, le meilleur de la musique qui vient de la Caraïbe, bien sûr. Avec un spécial Noël aujourd'hui, vous l'aviez compris. En tout cas, moi, je vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes de fin d'année. Puis joyeux Noël, bien sûr. Tropical, 18h20h. marié, pas prémé encore. Pas couper relation coupée. Fais l'amour en fini. Qui passe, si m'bré pour mon fou mon blanc, qui sent comme un gars au film, et où les lèvres pour nous mes messias, les parents mon Dieu pour mes baratis. 2004, le tout dernier album d'un New Look, avec au chant bien sûr notre chouchou Henri Larivière. Et figurez-vous qu'il est accompagné pour ce morceau extrait de cet album de son fils Carly. Oh là là, de l'over. On va pas se laisser emporter quand même. 96.2, votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h avec le meilleur de la musique qui vient de la Caraïbe, du compas, du zouk. Et puis ce soir, eh ben, comme c'est un spécial Noël, eh ben, on va avoir des petits morceaux comme ça, des petits retours en arrière. Et puis voilà, très très bonne fête à vous, joyeux Noël. Je m'ennuie chez toi. Et dis j'en peux plus, je pense à mon avenir. Au lieu de folie, pourquoi tu veux briser ma vie? Pourtant nous t'es amis, dis-moi pourquoi cette jalousie? Dis-moi pourquoi, pourquoi, pourtant je suis pas méchant. Dis-moi pourquoi, pourquoi la vie est ainsi. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Oh, et si je te répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puits sans fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien. Oh baby, c'est moi, j'ai tout oublié du passé, oh ma chérie. Dis-moi où tu t'étais caché, oh. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé, oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer, oh. Oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé, oh. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer, oh. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien. Fais-moi oublier mon gourmand. Allez, prends-moi tout, garde pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love. Ma chaîne, plaisanterie ça. Si mes matraques sont un esclavier, je connais pas ce qui s'appelle. Vous prenez des vins, nous comprenons ça. Pour l'humanité, c'est un peu cruel. Ou pour moi, ouais, moi, pareil. Je connais pas ce qui s'appelle. Des animaux, nous les battons. Nous, pour le nord, pour le nord, pour la patrie. Et pour nos frères, pour qu'il aille bon. Chaque jour, il n'a pas fait de ça. Le pas de mon évoque de ça. Ou pour l'on y ait, c'est un plaisir. Oh là là, je suis un petit peu perdue dans mes boutons, excusez-moi. Il y a des jours comme ça, que voulez-vous? Bon, en attendant, du coup, j'en étais où? Où en était-on, comme on dit? Soyez souvenirs, joyeux Noël à tous. Ben, je crois qu'on va pas me... Ouais, en attendant, on continue avec les souvenirs. Carrément. Je te dis toute seule. Tropical, 18h, 20h, ne vous inquiétez pas, je vais retrouver mes esprits. People. présent dans votre émission Groove Tropical. À l'heure du Coupa Guyane, eh ben écoutez, moi je trouve que le compas direct c'est pas mal non plus. On va dire du compas qui déchire comme ça. Moi c'est vrai, ça m'amène plein de souvenirs, plein d'images. Joyeux Noël à tous. Je sais pas de quand il date cet album. Et c'est années 90, on va dire. Allez, ça nous rajeunit. Groove Tropical, 18h-20h. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. En couleur. Bueno, mi gente, ha llegado Navidad y vamos a celebrar con Natilla y Miguel. sabes que lo sientes, tu mirada te delata. Malvada, perdiste la vergüenza que tenías. Mentir ya es tu único norte. Ojalá salgas pronto de mi vida. Hablar mentira lo convertiste en un deporte. sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Tu me touches. Jeudi soir, 18h-20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. C'est une petite nouveauté, je me s'appelle Elka. Et c'était Dis-moi tout, on a tout compris quand même. Dans quelques petits instants, une petite plage compas, tout de suite après, un petit spécial Noël, un petit medley, voilà, tout simplement. Joyeuse fête à tous sur Arc-en-Ciel. neje ou nan bra mwen Serem pou koline Le longi kou ak lofe Vini pase swaf mwen entre 18h et 20h, c'était le groupe Harmonique avec l'un des titres phares, hein, le tube en ce moment avec Kitem. joyeux Noël à tous. Chanter Campy. On livre la page 24. Il aimait le divin enfant. Il aimait le divin enfant. Jouer au moins les bonnes musettes. Il aimait le divin enfant. Chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettons les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cette route. Il aimait le divin enfant. Jouer au moins les bonnes musettes. Il est charmant, à que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est tout ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au moi les années musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Michaud veillait, Michaud veillait la nuit dans sa chaumière. Près du amour, gardant son troupeau. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois l'étoile du berger. Je vois, je vois. Je vois l'étoile du berger. En harmonie, la FM en couleur. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yes, sir. It's young Sammy Lee Stoner boy. God damn. Got them records. They be bad, you didn't even do. Got them, baby. Los Angeles, yeah. Yeah, one day I fait plot. Moi même I fait crop. That is money, et go girl, ça c'est ma preuve, l'argent pour ma plot. Et même baguette pour faire compter. Depuis pas poté, moi pas monté. Rêve, ouais, les poches, moi bouté. Pour me faire chier, les games, y'en peut trembler. Hey, one day I fait plot. Moi même I fait crop. Tanis money et go grâce à si ma vraie l'argent pour ma lotte. Et mon baguette pour faire corvée. Depuis pas côté, moi pas monté. Rémé, ouais, les poches, moi bouté. Pour me faire chier les gueules, pas tremblé. Fais shop money, Deluxe, César, on en bille. Brice, n'a d'un blanc, on zombie. Je viens pour gagner. Pété, chopage, jeudi. Gueule de babi pour plaisir. H la abriti. Titi pour l'autre, tous les y. Chaque jour, t'as coûté c'est pour dire. Et n'a d'un money. Holy moly, font crazy. Souké boudot, il est dit. Hey, ce qu'a passé ou pas pour elle. De respecter game ça les gars ou capoël. Mais j'en paye pour le café. Les dîmes déchargés là, mon flip pour le capoël. Maman, pas de compte si la maquelle. S'il remet équipe ça, on ne fait pas sa belle. L'argent fait chaque fois ça ne fait. Et s'gardem baby, nos pirettes qu'on cartel. Hey, dîmes qu'a passé ou pas pour elle. De respecter game ça les gars ou capoël. Mais j'en paye pour le café. Les dîmes déchargés là, mon flip pour le capoël. Maman, pas de compte si la maquelle. S'il remet équipe ça, on ne fait pas sa belle. L'argent fait chaque fois ça ne fait. Et s'gardem baby, nos pirettes qu'on cartel. Mauvais passage, fait naufrage. Ou pas les chances à dans la vie. Même si des fois on casse sourire, ça ne va pas jamais faire plaisir. Stupidité. En plaisir, en plaisir, en plaisir, en plaisir, en plaisir, en plaisir. Si j'en m'en téléphone, ou pas en rendez-vous, en savoir que longtemps qu'à l'espérer, certains ou t'es habillé, liberté pour un jour, fais-moi tomber amoureux, mon poignet voit le genou. C'est l'envoi en terre et mort, c'est l'envoi en terre et mort, c'est l'envoi en terre et mort. Nous confus, c'est pour ça nous aimer nous. Ça c'est un soirée. coupe bien bas. Chérie, vous me faites un béa culpa. Je n'aime pas mon dil taga. On est un bébé, on va mériter ça. Moi, tellement fait bien expérience. Je vais convertir dans le un bléa. Même le Saint-Esprit de vengeance. Moi, t'es plus intime dans le monde. Oui, papi, il est là. Je vais raconter une autre histoire qui t'aime pas où est-ce que la me fait, on se met connaître. Soyez pécule, je n'ai pas fait que nous tout apprendrons un débat. Une peu plus vite d'exou pour nous réussir. Une famille est là. Excuses et blessés, pas une prière, mon femme la bon vive là-dedans. Avant mes accoulements, à tout mon point, moi je souhaite que nous Je suis en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Balancé, dis tout ça tout cœur. On est au faire mal, tu t'es mangé. Pour mettre ton pavillon et bon manger. Qui t'aime mal et à l'heure. Qui t'aime diriger, moi qu'à faire bonheur. Le trio t'es l'aimé, on sait pas de j'en jouer. Moi c'est en boule l'auto, pourquoi j'en jouer. Oh oh, wow. Faites-moi une couche, j'aime pas l'avant, on y fait le parti. Pas tout parler, mes chers, ils vont perdre tout mon petit. Sinon je vais m'en aller. Il y a des fois, je l'avoue, on fait pitié. Mais t'es faite pour moi, car il n'y a que toi. Quand t'es sur moi, ah la la. Ça fait mal, ya, ya, ya, ya, ya. Que se dire que c'est fini, que comprendre que c'est fini. Je l'avoue, tu me fais tourner la tête. Baby, t'es la bonne à tirer ma bête-tête. Mais t'es trop parano et puis des fois tu me casses. Sache que t'es ma queen, t'es ma best. Je l'avoue, tu me fais tourner la tête. Baby, t'es la bonne à tirer ma bête-tête. Mais je suis pas parano et sans toucher, je te casse les. Sache que t'es mon king, t'es mon best. J'ai fouillé ton thème, c'est que Christelle. Je crois même que tu te fous de moi. Christelle est celle qui m'a dit de réfléchir. Oui, je lui ai dit, je ne veux plus de toi. Pour voir un psy, au lieu de parler aux filles avec des faux masseurs en psychologie. Oui, j'irai voir un psy, mais faut que tu viennes aussi. Par ton problème est psychologique. Je l'avoue, tu me fais tourner la tête, yeah. Baby, t'es la bonne à cirer ma bête-tête. Mais t'es trop parano, et puis des fois tu me casses, ouais, ouais. Sache que t'es ma queen, t'es ma best, t'es ma best. Je l'avoue, tu me fais tourner la tête. Baby, t'es le bon à cirer ma bête-tête. Mais je suis pas parano, et sans toucher, je te casse les. Sache que t'es mon king, t'es mon best. Je l'avoue, tu me fais tourner la tête. Baby, t'es la bonne à cirer ma bête-tête. Mais t'es trop parano, et puis des fois tu me casses, les. Sache que t'es ma queen, t'es ma best. Je l'avoue, tu peux tourner la tête. Baby, t'es le bon à serrer ma bête-tête. Mais je suis pas parano et sans toucher, je te casse les. Sache que t'es mon king, t'es mon best. Arc-en-ciel sur le 96.2, votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h. Il nous reste encore quelques petites minutes à passer ensemble. On va y aller tout doucement. Allez, très très bonne soirée en ma compagnie. C'est Chantal qui vous accompagne. Je veux pas te boycotter, yeah, yeah. en couleur. En couleur. Sur Arc-en-Ciel, on adore ce morceau. C'était donc Titanzito. Eh bien, oui, c'était lui avec ce titre chaque nuit. Bientôt 20h sur les 96.2. Je crois qu'il est vraiment l'heure de se quitter. Je vous souhaite à tous de très très très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. On se retrouve jeudi prochain pour la dernière de l'année, bien sûr. En attendant, passez un bon week-end et puis surtout profitez bien de votre famille, de vos proches. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Uma nova forma de estar na vida pública, porque foi ano e meio, 8 anos de empobrecimento, mas um último ano e meio de absoluta desnorte, absoluta